médiocrité. Dans l'infini criblé d'éternelle splendeur, perdu comme un atome, inconnu, solitaire, pour quelques jours comptés, un bloc appelé Terre vole avec sa vermine aux vastes profondeurs. Ses fils, blêmes, fiévreux, sous le fouet des labeurs, marchent, insoucieux de l'immense mystère. Et quand ils voient passer un des leurs qu'on enterre, saluent, et ne sont pas hérissés de stupeur. La plupart vit et meurt sans soupçonner l'histoire du globe, sa misère en l'éternelle gloire, sa future agonie au soleil moribond. Vertige d'univers, cieux à jamais en fait, rien, ils n'auront rien su. Combien même s'en vont, sans avoir seulement visité leur planète.